Je suis fou. Je suis fou. Je suis fou, je suis fou. Ben voyons, Crabman, qu'est-ce qui te prend? Je suis fou. Je suis fou. Ben voyons. Je suis fou. Ma parole, il est tombé sur la tête. Je Il y a un petit suis problème, fou. je pense. Moi, je suis fou. Ouais. Je suis fou. Je suis fou. Je Penses-tu que je suis devrais appeler fou. le 911? Tu es fou. Peut-être. Tu es Ouais. fou. Tu es fou. On est fou. Faut on est On est fou. fou. Pourquoi on est fou? On est fou. Moi, je ne suis pas fou. Qu'est-ce que c'est? On est On est fou. Hein? fou. On est fou. On est assez fou pour faire ce que l'on veut. Danser, rire, chanter, être heureux. On est assez fou pour faire ce que l'on veut. Et pour ça, on fait toujours ce que l'on peut. Demain, je serai le même qu'aujourd'hui. On ne change pas comme on change d'habit. Demain, je serai le même qu'aujourd'hui. Et si vous aimez pas ça, eh bien, c'est tant pis.